Bonjour les amis, welcome to French Pod America. Bonjour à tous, je m'appelle Amaury. What's the level today, Amaury? Alors, c'est une leçon de niveau intermédiaire. Intermediate lesson. We're going to learn some really useful expressions today, for sure. Tout à fait, Erika. We're going to go to a doctor's office. Nous allons chez le docteur. Donc, nous avons un patient. Yeah, this patient, he's going to explain to the doctor what's wrong with him. Donc, il va expliquer quels sont ses symptômes. All right, let's listen in. On écoute le dialogue entre le docteur et ce patient ensemble. Docteur, je me sens pas bien. Vous me surprendrez toujours, monsieur Couvreur. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Je ressens une douleur dans le ventre et j'ai mal au dos. Vous ne seriez pas atteint de maux de tête? Un peu de fièvre également? Oui, c'est ça. J'ai des sueurs la nuit aussi. Exactement les mêmes symptômes que la semaine dernière. Les examens médicaux ont montré que vous étiez en pleine forme. Ah, cette fois-ci, j'en suis sûr. C'est grave. Peut-être mortel. Très bien. Je vais vous examiner encore une fois. Mais cette fois, pas de prise de sang. Oh, merci, docteur. Vous me sauvez la vie. Vous ne voulez pas appeler une ambulance? Vous savez, au cas où? So he has a lot of symptoms, this guy. Oui, c'est difficile de les décrire tous. He found a way to describe them all. So he started by saying, yeah, doctor, you know, not feeling so good. Docteur, je ne me sens pas bien. Why doesn't he say médecin? Alors, c'est vrai que ces deux mots veulent dire la même chose. Okay. Mais quand on s'adresse au docteur ou au médecin, on l'appelle docteur. When you talk to them, you have to say doctor. Oui. Docteur, I mean. C'est comme ça qu'on dit en France. So, le docteur, he says something interesting. Vous me surprendrez toujours. You will surprise me always. Et donc le docteur dit cette expression ici de manière ironique. It's kind of like the way you would say you will never cease to amaze me in English. Voilà. Vous me surprendrez toujours. Ouais. Et donc il continue. So what are his symptoms? It was the first one. Alors, le patient ressent une douleur dans le ventre. And then the next one. Et il a mal au dos. So we got two symptoms. Now, the second one, he said j'ai mal au dos. Oui. You know, we usually learn when we say something hurts, I have like a headache, j'ai mal à la tête. Tout à fait. I have a backache, j'ai mal au dos. But then he says in the other one, je ressens une douleur dans le ventre. Ressentir une douleur somewhere, quelque part. Voilà. Donc on voit ici que c'est bien précis. Right, it's more precise, right? Oui. Okay. Comparé à j'ai mal au dos, qui est un peu plus général. Your back just hurts everywhere. Voilà. But if you say je ressens une douleur dans le dos, means there's a place specifically in there that hurts really bad. Voilà. I have a pain in my back really, as opposed to I just have a backache. So for him, il ressent une douleur where? Dans le ventre. Et il a mal au dos également. Okay, but that's not all. Obviously, this guy comes frequently to this doctor. The doctor's like, hey, let me guess. Il peut déjà imaginer la suite. By chance, you wouldn't be. Vous ne seriez pas atteint de maux de tête. Être atteint de. C'est l'expression. It means to suffer from. He suffers from chronic maux de tête. Very often, il a mal à la tête, so il est atteint de maux de tête. Is that all? Non, il a un peu de fièvre également. A slight fièvre. And he says également. Qui veut dire dans ce cas-ci, aussi. So let's give some other examples of using this également in this way. Donc tu sais que Christella vient avec nous ce week-end. Oh, she is? Oui. Et Christophe également. Christophe too? C'est magnifique. Right, okay. Now he gives another symptôme et il rajoute j'ai des sueurs la nuit aussi. Une autre expression médicale pour dire qu'on sue. On a des sueurs, on ne se sent pas bien. Okay, so you say avoir des sueurs when you're talking about like a symptom. Voilà. It's not like it's hot and I'm sweating because it's just hot. Ouais. Here though, he says j'ai des sueurs when? La nuit. That's a French thing too. When you're talking about times of the day, like le matin, l'après-midi, le soir. For example, I don't really eat breakfast, so je ne mange pas le matin. Pour donner un autre exemple, je prends le taxi le matin. To get to work. Oui, pour aller au travail. And what about when you leave work? Pour revenir chez moi, je prends le métro le soir. Okay, it sounds complicated. I guess to shake things up a little bit, have a little variety. Voilà, il ne faut pas faire la même chose tout le temps dans la vie. Exactement. And that's what the doctor says now. The word exactement. When he kind of gives away that this guy comes quite a bit. What does he say? exactement les mêmes symptômes que la semaine dernière. Why didn't the doctor treat him la semaine dernière? Parce que les examens médicaux did what? Ont montré que vous étiez en pleine forme. Totally healthy. But, non, mais cette fois-ci, this time. Oui, il est convaincu, lui, qu'il a quelque chose. Et il dit, cette fois-ci, j'en suis sûr. C'est grave. Yeah, really grave. Peut-être mortel. Ok, très bien. Les sueurs. Les sueurs mortelles. And it's interesting because the doctor, he agrees. Mais en fait, on ne sait jamais, donc... That's maybe the problem with these hypochondriacs. Voilà, il suffit qu'un jour, il n'examine pas. Yeah. Et il va vraiment être malade. Mais cette fois-ci, he's not going to give him... Pas de prise de sang. Yeah, so a prise de sang is when they take blood from you. Ouais. They give you a prise de sang. He's so grateful. Merci, docteur. Vous me sauvez la vie. Now, this one, vous me sauvez la vie. You don't say, you saved my life. You saved me the life. The life. Vous me sauvez la vie. Voilà. Tu me sauves la vie by helping me with that. Et je te rends fier, oui, il lui rend service. And then... Il ajoute, vous ne voulez pas appeler une ambulance. Au cas où... Au cas où quoi? Au cas où c'est grave. Que c'est mortel. Mortel. Just in case, right? Well. Exactement. Au cas où you would like to listen to it again now that you know what's happening, we should listen to the dialogue one more time. C'est parti, on réécoute le dialogue. Docteur, je me sens pas bien. Vous me surprendrez toujours, monsieur Couvreur. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Je ressens une douleur dans le ventre et j'ai mal au dos. Vous ne seriez pas atteint de maux de tête? Un peu de fièvre également? Oui, c'est ça. J'ai des sueurs la nuit aussi. Exactement les mêmes symptômes que la semaine dernière. Les examens médicaux ont montré que vous étiez en pleine forme. Ah, cette fois-ci, j'en suis sûr. C'est grave. Peut-être mortel. Très bien. Je vais vous examiner encore une fois. Mais cette fois, pas de prise de sang. Oh, merci, docteur. Vous me sauvez la vie. Vous ne voulez pas appeler une ambulance? Vous savez, au cas où. I love this dialogue because, you know, they say that when you go chez le docteur... Chez le docteur, oui. ...that you should be as specific as possible about your symptoms. C'est vrai. That the more specific, the better they can diagnose you. Et donc, en plus là, grâce à cette personne qui est hypochondriaque, on voit différents points. Yeah. Il a couvert différentes parties du corps où on pouvait être... Right. On pouvait être mal. Because it's so important that if you go to France, for example, and you find yourself in a situation where you have to tell a doctor your symptoms, oui. Let's review the expressions we learned that you might need or hear in the doctor's office. Donc, la première aussi qui était vraiment importante, je ne me sens pas bien. Right. Qui peut dire, ben, ça peut être pour une petite chose ou pour quelque chose de grave. Yeah. Elle est valable pour les deux. Would you ever go to the doctor though and say, why would you go to the doctor if... Et si je me sens bien, why would I go to the doctor? Bonne question. Très bonne question, Erika. Mais pourtant, je te jure, c'est quelque chose qu'on dit. It's just something we like to say to the doctor. Ouais, exactement. Je me sens pas bien. C'est vrai que c'est un peu idiot. Let's say my problem is in my stomach. Au ventre. Je vomis, I'm throwing up, and I just don't feel well in my ventre. Then what do I say? J'ai mal au ventre. Okay, just in general, j'ai mal au ventre. Ouais. But what if I have a really sharp, oh, there's this one spot right here, something, it's my appendix, I know it. J'en suis sûr, c'est mortel. Voilà, je ressens une douleur dans le ventre, ici, okay. Là. Okay, yeah, point to it, right? If today, j'ai mal à la tête, but my symptom is I've been getting them all the time. Donc, on va peut-être vous demander, êtes-vous atteint de maux de tête? Okay. If it's every day, yeah, je suis atteint de maux de tête. Okay. What if the thermometer says that I have a temperature, but it's just a little bit? J'ai un peu de fièvre. What if I have a really high fever? J'ai beaucoup de fièvre. Okay, si c'est beaucoup de fièvre. Ouais. What if I have to tell the doctor at night, I wake up and I'm all wet because at night I was sweating all night? J'ai des sueurs la nuit. Okay, all right. Ouais. Mm-hmm. So hopefully that will help. J'espère que ce n'est pas pour vous que vous allez utiliser ce vocabulaire. Right, hopefully you will never have the need, but in the event that you do, you'll be like, thanks, French Pod. Vous m'avez sauvé la vie. If you have any questions, come to frenchpod.com. You can ask us. Et on se retrouve pour dialoguer ensemble. Do some exercises. Reprendre le vocabulaire qu'on a vu ici. Yeah, which is good. Ouais. It's good to reinforce what you learn. It'll help you remember it. Et apprendre de nouveaux mots également. Use some extra words that would be associated with this dialogue that we didn't cover today. Exactement. Merci. À bientôt. Au revoir.